Chapitre 2. Alexandrie et le Caire. La ville d'Alexandrie, vue du port, n'a rien de majestueux. Elle est bâtie sur un terrain plat et n'offre aucune perspective. Une double rangée de moulins à vent s'étend en elle à droite et à gauche. C'est un présent de la civilisation française apporté par les soldats de Kléber. Cet utile appareil semble avoir été fort apprécié par Mehmet Ali. Il en a considérablement multiplié les spécimens. Aussi loin que le regard peut s'étendre, on voit s'allonger ou tourner ces grands châssis couverts de toile qui ne sont pas pittoresques. Quelques minarets et surtout une colonne de l'époque romaine s'élèvent pourtant çà et là, comme pour protester contre le prosaïsme du tableau. En somme, il ne faut pas regarder Alexandrie à travers le prisme de ses souvenirs si l'on veut éviter un désappointement. Il faut se dire que ce n'est pas la ville des Ptolémées. Celle-ci a été détruite. La cité actuelle, construite sur les ruines de l'ancienne, n'en reproduit pas la splendeur. Elle a d'ailleurs un tout autre caractère, une tout autre destination. L'Alexandrie des Grecs et des Romains était une ville construite et ornée pour des gens de loisirs, pour des philosophes et pour des lettrés. Elle était consacrée surtout au plaisir de l'intelligence. L'Alexandrie nouvelle est exclusivement adonnée au commerce. N'y cherchez pas ces édifices qu'élevaient les édiles et les architectes romains dans un sentiment commun du beau. Chacun aujourd'hui pose les assises de sa maison à proximité de ses affaires et s'y retire après l'heure des transactions commerciales. Les grandes distractions sont la table et le jeu. La population européenne n'éprouve pas le besoin d'un lieu de réunion publique, d'un théâtre, par exemple. D'abord, la confusion des langues est dans cette Babel peuplée de Grecs, d'Italiens et d'un certain nombre de représentants de tous les peuples de la terre. Ensuite, la religion musulmane, qui domine et gouverne en Égypte, exerce sur les mœurs des habitants une influence dont eux-mêmes ne se rendent pas compte. Cette religion proscrit les images. Elle n'élève pas de statues. Elle entoure la vie privée de mystères. Elle renferme les femmes. Elle tourne les fenêtres des maisons sur les cours intérieures. Elle est antipathique aux plaisirs pris en commun. Ces tendances, si différentes de celles des anciens, qui vivaient en public, ne font pas les villes brillantes et monumentales. Voilà ce que nous disions, tandis que le Danube se frayait un chemin au milieu des nombreux navires de toutes nations qui encombraient le port. Le pavillon autrichien, le pavillon russe, le grec, l'italien, l'espagnol et l'anglais, cela va sans dire, figuraient dans ce congrès naval, où l'on voyait même un bâtiment de guerre français, qui venait d'amener le duc de Brabant, non sans avoir couru de grands risques pendant la tempête des jours précédents. À peine sommes-nous arrivés au mouillage et déjà les embarcations nous environnent par centaines. Elles ne peuvent accoster le Danube. Il faut attendre les formalités ordinaires, mais elles l'enserrent, elles le pressent. On ne saurait se faire une idée de l'animation et du mouvement dont nous avons en ce moment le spectacle. L'échelle du navire est assiégée. Chacun s'efforce d'en occuper le dernier échelon pour recevoir les bagages et les voyageurs. Mais les canots vulgaires, souvent les plus agiles, ne conservent pas longtemps ce poste après avoir réussi à l'occuper. Voici venir une yole aristocratique peinte en blanc et rehaussée de filets d'or. 12 rameurs la font voler sur les eaux troublées du port. L'équipage, uniformément vêtu de vestes et de culottes blanches à larges plis et coiffé du tarouche, c'est-à-dire de la calotte rouge, fait évidemment partie de la marine militaire. Aurions-nous à bord quelques Haroun al-Rachid qui nous auraient accompagnés dans un strict incognito après une tournée d'inspection en Europe? Je regarde nos compagnons. À part 3 ou 4 Français de noble naissance, mais fort ennemis du cérémonial en voyage, je ne vois que des physionomies de commerçants très paisibles. Je m'informe et j'apprends qu'il suffit d'une recommandation pour obtenir dans l'arsenal le splendide armement qui s'approche du Danube et se range sous son flanc après avoir écarté à coups de rame le vulgum pecus des canaux. C'est une cacophonie de cris de reconnaissance et de signes d'amitié entre le navire et les embarcations. Le bruit des avirons qui battent l'eau, les querelles des rameurs qui s'apostrophent d'un bord à l'autre sont vraiment étourdissants. Nous sommes libres enfin de quitter la prison flottante et nous descendons dans notre bonne embarcation qui, sans bruit, sans cri, s'est placée au pied de l'échelle, toute prête à nous recevoir. Les bras se tendent, les avirons frappent la mer à coups redoublés. L'excellent capitaine Conseil, dont le frère devait plus tard être victime de la brutalité fanatique de quelques Arabes, tient le gouvernail et nous dirige d'une main sûre. Un chariot était préparé pour la réception de nos malles. Utile précaution qui permit aux compagnons que nous emmenions dans l'isthme de transporter en ville d'une seule traite leur attirail complet de chasse, leurs provisions et leurs grooms. Une importation authentique d'Angleterre qui pourtant avait eu le mal de mer comme un simple Français. Nous entrons donc triomphalement dans Alexandrie au galop de nos chevaux qui piétinent, hélas, dans une boue épaisse, car la pluie qui a signalé notre départ de Marseille nous accueille à notre arrivée en Égypte. Quand la pluie tombe dans les rues d'Alexandrie, ce qui n'est pas très rare en hiver, le macadam formé par l'accumulation de la poussière pendant plusieurs mois se détrempe à la profondeur de 15 à 20 cm. Il est assez curieux de voir alors la population indigène marcher les pieds nus dans cette boue noire et infecte. Les pluies deviennent, dit-on, plus fréquentes qu'autrefois. On attribue ce phénomène aux plantations nombreuses et aux jardins que les Européens ont multipliés extramuros. Je ne sais si cette explication satisfera les savants. Dans tous les cas, l'inconvénient de la pluie est plus que compensé par l'agrément de la verdure. Les mois d'été sont toujours un temps de sécheresse, même sur le bord de la mer, et les habitants avaient beaucoup à souffrir avant le jour où l'eau du Nil, qu'élève la vapeur, a été répandue avec largesse par des fontaines publiques et des jets d'eau même qui alimentent plusieurs bassins sur la grande place, dite place des consuls. C'est le rendez-vous général des gens affairés. On y fait beaucoup d'opérations de commerce. La spéculation y est sur son terrain. La médisance aussi. Car Alexandrie n'a rien à envier aux petites villes d'Europe où l'on s'occupe. Le plus du prochain pour le déchirer. Le camp des Volques déplatèrent contre le camp des Romains. Les Troyens montrent beaucoup de froideur aux Grecs et ces groupes divers évitent de saluer quand ils se croisent. Au-dessus d'eux, les sycomores étendent leurs grands bras décharnés pendant l'hiver et ressemblent à des potences. Après avoir déposé nos bagages à l'hôtel, notre premier soin devait être de nous rendre au siège de la compagnie du canal de Suez. Il est aisé d'arriver à cette résidence. Tous les manœuvres, tous les portefaix, tous les âniers, tous les cochers, tous les boutiquiers d'Alexandrie en indiquent le chemin. Il suffit de prononcer avec un accent interrogateur le mot « compagnia » pour obtenir le renseignement qu'on désire. Quoiqu'il y ait en Égypte plusieurs associations constituées dans le but d'exploiter quelques concessions du gouvernement, on n'y connaît qu'une compagnie, la Grande, celle qui creuse un canal à travers l'isthme de Suez pour unir la mer Rouge à la Méditerranée, celle qui dépense en Égypte des millions dont profite le pays tout entier, celle que dirige M. de Lesseps, la Compagnia en un mot, cette association qui a su commander le respect des indigènes, la seule dont ils comprennent le but et la portée. Une partie de l'hôtel est occupée par le consul général des Pays-Bas, vice-président de la compagnie. Il est d'usage, dans les maisons riches, d'entretenir un certain nombre de domestiques, dont l'unique occupation est de se tenir debout à la porte extérieure. Chez les consuls, ils sont placés sous les ordres d'un cavas, un fonctionnaire généralement remarquable par son costume d'Albanais civilisé, et qui fait auprès des représentants de la société européenne l'office d'un Suisse de paroisse. Une sorte d'officier de police, en un mot, dont l'autorité toute morale n'est admise qu'en raison de la puissance du pavillon armoré sur le toit du consulat. Nous fûmes conduits à la demeure de notre vice-président par un de ses agents. Quel fut notre plaisir d'y trouver avec un accueil gracieux et cordial le luxe des meilleures maisons de Paris. Avec quelle joie nous prîmes place autour d'une table chargée du plus élégant service. Quel sentiment de bien-être remplaça nos précédents malaises lorsque, assis paisiblement sur un terrain solide, dans les bras d'un moelleux fauteuil, nous pûmes apaiser les griefs de notre estomac en appréciant les chefs-d'œuvre d'un cuisinier digne de servir non seulement un consul général, mais encore tout un congrès de diplomates. Notre destinée ne nous permettait pas de nous endormir dans les délices de cette capoue égyptienne. M. de Lesseps était au Caire et nous avait laissé l'avis de le rejoindre sans délai. Il y a chaque jour, au chemin de fer, de départ pour le Caire, l'un à 8 heures du matin, l'autre à 5 heures du soir. Il fut décidé que nous prendrions ce dernier train. La durée du trajet est de 5 à 6 heures. Le convoi devait donc arriver au Caire vers 11 heures, et nous avions l'espoir de nous trouver vers minuit à l'hôtel d'Orient, sur la place de l'Espéguier. À 5 heures, la locomotive, avec des sifflements aigus, nous entraînait rapidement en longeant les bords du lac Maréotis. Cette vaste étendue d'eau, navigable au temps de la domination romaine, recevait alors le tribut régulier de canaux ouverts sur le Nil. Aussi était-elle entourée d'une ceinture de plantations. On y cultivait la vigne. La population était nombreuse, non seulement aux alentours, mais encore sur les îles, dont elle exploitait la fertilité. À présent, ce n'est plus un lac, c'est un marais. Il ne communique plus avec le Nil. Les Anglais, pour le besoin de leur politique, y ont fait entrer la mer. On n'y voit plus de culture, mais du sable couvert d'une écume saline. Les hommes ont abandonné ces rives désolées. La nuit les couvrit bientôt de ses linceuls et nous invita au sommeil. Mais l'imagination fait un travail trop actif sur cette terre peuplée d'immortels souvenirs. Et près de cette ville d'Alexandrie, fondée par Alexandre, défendue par César et prise par Napoléon. Le calme de la nuit et du désert maréotique ne servit qu'à aiguiser entre nous la conversation et même un peu de controverse. Quel devait être naturellement notre sujet d'entretien sur les bords du lac Maréotis? Les Anglais et Napoléon, l'expédition d'Égypte et la guerre de 1801, l'île Sainte-Hélène et l'alliance avec la Grande-Bretagne. Divisés d'opinion, nous fûmes bientôt d'accord pour nous livrer au sommeil. 11 heures avaient sonné lorsque la locomotive s'arrêta dans la gare. Quelqu'un se précipita dans notre compartiment en nous appelant à haute voix. C'était l'interprète Hassan. Au pied du wagon, devant la porte et derrière Hassan, se trouvait Mohamed, deux types comme on n'en trouve qu'en Égypte. Le premier, de pure race arabe, aux traits réguliers, au teint olivâtre, aux manières réservées, avec des yeux pleins d'intelligence, une allure calme et digne, des mains et des vêtements propres. Le second, d'origine africaine, porteur d'une physionomie grotesque, moins intelligent que son collègue, mais plus vif, avec des allures souvent brouillonnes et ahuries, un caractère gai, un instinct naturel de domesticité. En cela, fort différent d'Hassan, qui, malgré sa docilité et sa complaisance, a toujours l'air de faire une grâce en offrant ses services. Ces deux bons compagnons nous suivirent dans l'isthme et nous furent très utiles, surtout quand ils étaient d'accord et que Mohamed supportait sans murmurer la supériorité que Hassan s'arrogeait. Le lendemain, au réveil, j'avais sous les yeux cette ville des mille et une nuits, cette ville si animée, si pittoresque, si amusante, le Caire, El Caïra, la cité victorieuse. En tout autre moment, j'aimerais, comme à l'époque de mon premier voyage, à pénétrer dans le labyrinthe de ces rues commerciales où chaque pas met l'étranger en présence de quelque objet intéressant et curieux, de quelque ornement sculptural, chef-d'œuvre perdu au milieu des échoppes. Mais je ne suis pas venu pour me livrer aux distractions du touriste. Je laisse donc à mes compagnons le plaisir d'explorer les curiosités de la ville et d'en sonder les mystères plus ou moins attrayants, content d'écouter le récit de leurs excursions journalières quand nous nous réunissons le soir autour d'une table commune présidée par M. de Lesseps. Mes promenades se bornent au bazar qu'on appelle le mouski. C'est une chose bien curieuse que ce mouski. Une ruelle semée d'échoppes, large au plus comme un comptoir, où sont assis, les jambes croisées, les gens du pays. Avez-vous quelque emplette à faire? Vous prenez place sur un petit tapis à côté du marchand et vous entamez la conversation. La langue arabe est très gutturale, et les Égyptiens parlent avec un accent fort élevé. Ils ont la physionomie de gens qui se querellent lorsqu'ils discutent le prix d'un objet, en gesticulant et montrant une loquacité et une vivacité extrêmes. Leur sombre physionomie, leur guenille pittoresque, les armes qu'un grand nombre d'entre eux portent à leur ceinture, font redouter une dispute sérieuse. Mais bientôt le calme succède à cet orage de paroles, et les deux interlocuteurs, étant convenus du prix, ne tardent pas à se séparer dans les meilleurs termes. La variété des vêtements n'est pas ce que l'on rencontre de moins curieux dans la foule des passants. Les uns portent de larges pantalons formant jupons aux chevilles, vestes pareilles, brodées de noir, tarbouches en tête. D'autres sont vêtus d'indiennes bleues avec un turban sur la tête et des babous jaunes ou rouges sur leurs pieds nus. Le peuple est couvert ou à peu près par un mauvais caleçon en coton blanc. Les jambes et les cuisses sont nues. Ils marchent nu-pieds et ne se couvre que la tête avec un turban. Voici venir sur un âne une espèce de paquet de coton bleu. Jupe de coton, large pantalon en coton, puis une grande pièce de la même étoffe jetée sur la tête et encadrant la figure. Sur le visage, une bande de coton de même couleur qui pend attachée à une rondelle de bambou fixée au front et qui se termine en pointe un peu au-dessous de l'estomac. Les pieds sont nus, c'est une des femmes du pays. Les élégantes portent un jupon de soie, un capuchon et une cagoule d'étoffe blanche, des bas et des babouches. Rangeons-nous. Une voiture roule sans bruit sur la poussière de la voie publique. Un domestique la précède en courant et en criant « Roi !» qui sans doute veut dire « Garez-vous !» Souvent aussi un joli cheval couvert d'une selle de velours bleu brodée d'or caracole sous son cavalier, jeune turc vêtu de la redingote boutonnée et coiffé du tarbouche. À cette époque de l'année, le soleil qui resplendit toute la journée n'a rien que d'agréable, car à l'ombre il fait frais, surtout le matin et le soir. Mais en été, quelle fournaise que ces rues étroites, où l'air ne circule pas. On les couvre d'une sorte de plafond en planches légères, posées sur des madriers qui s'étendent d'un côté à l'autre de la rue et s'appuient sur le bord des terrasses. Quelques maisons ont assez bonne apparence, mais on ne saurait se figurer sans l'avoir vu quel aspect ont les autres. Les bâtisses provisoires qu'on échafaude à Paris sur des terrains vagues, les constructions bizarres où s'abritent les marchands forains, tout ce qu'il y a de plus anti-architectural, de plus dégradé et de plus désordonné ne peut en donner qu'une faible idée. Il faut renoncer absolument à décrire la succession de ces maisons éventrées, de ces cours encombrées d'immondices, de ces hangars distribués en compartiments pour les marchands de galettes, de tabac, de fruits, et pour ces industriels européens dont les boutiques, pareilles aux sacs de Robinson Crusoe, contiennent toutes les marchandises imaginables. C'est qu'il y a beaucoup de liberté dans ce pays de gouvernement absolu. Les Européens surtout y sentent très peu l'action de l'autorité. Elle pourrait, du reste, se révéler avec avantage sous le rapport municipal, en exigeant l'enlèvement des immondices et l'alignement de la voie publique. Pour ma part, je lui saurais beaucoup de gré d'empêcher l'invasion des constructions en planches sur cette belle place de l'Esbéquier, qui, plantée d'acacias odoriférants, donnerait la plus haute idée des enivrements propres à ce climat de sensualisme et de soleil, si tout cela n'était gâté par des cafés chantants, des théâtres de vaudeville, des cirques où l'on montre des bêtes savantes, et des artistes, émigrés sans doute des funambules, qui voltigent à ânes sur la promenade, dans un costume digne d'Asnières et de Montmorency. Avec tout cela, Le Caire est une ville des plus agréables. À la contempler du haut de la citadelle, entourée de riches campagnes, baignée par le Nil, caractérisée par les pyramides de Gizeh, qui s'élèvent à ses portes et par ses monuments d'intéressante architecture qu'on appelle les tombeaux des califes, à voir ces superbes mosquées qui portent dans les airs la gloire de leurs fondateurs musulmans, on éprouve un sentiment d'admiration et surtout un vif désir de sonder les secrets de la vie orientale.